Dans un atoll, se prélasse, choyé de chaudes carcasses. Si duante, si lusine, et si flante sa vie. Le stack n'est pas de temps à perdre. À l'arcane, à l'autre, à énoncer toute haine. Dans le serpent, se dandine sur son lit d'amertume. Obsédantes obsessions, fascinantes possessions. C'est génial. Le stack, encore plus fort. Dans le stomach, se délecte, s'en étouffe dans les gorges. Le passante saillit, ramassant plus d'erreurs. Si Anatole se lève, il s'érige comme un glaive. Une subversion, affligeante affliction. Quand Anatole se prélasse, choyé de chaudes carcasses. Je veux du hardcore, maintenant. Faites monter le son du hardcore, maître. Faites péter les accords. Faites monter le son du hardcore, maintenant.